Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 25 un message de félicitations à Nkosazana Dlamini-Zuma, président du comité de l'Union africaine à l'occasion de la Journée de l'Afrique. En voici le résumé. Le gouvernement et le peuple de notre République formulent invariablement du soutien et de la solidarité à la lutte indépendante et juste des peuples africains désireux de rejeter toute forme de domination et d'intervention des forces extérieures et de réaliser par la force unie la paix durable, la stabilité et le développement socio-économique du continent et souhaitent de plus grands succès dans le travail de l'Union africaine pour étendre la position et la voie consultative du continent dans les rendez-vous internationaux. Je suis convaincu que les relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre la République populaire démocratique de Corée et l'Union africaine et ses pays membres se développeront davantage à l'avenir.